We're not against rap. We're not against rappers. But we are against those thugs. Thugs. La vie de boss, ça c'est de l'ascar, évite les coups de crosse sur le trottoir le soir. On est tous des lascars, mais très peu deviennent des boss. J'évite les bagarres et les caisses qui démarrent avec les cosses. Je rentre plus trop tard, à part quand tu es pas l'instrument qu'on la rosse. Ça sent roussi, soit l'hôpital ou la zone prise. Certains ont payé le prix fort pour ce qu'ils ont pris. Je fume plus d'IA ni de shit pourri. J'apprécie plus cette vie, trop de mes potes ont péri. Dans un braco avec un garrot ou une aiguille. Ici on t'apprécie pour ce que tu fais la nuit. Depuis que je dors tôt, je me suis fait des ennemis, des mythos, des connards. Ou des futurs adeptes du mita, Je peux plus voir un matou, un flicard me salir pour des histoires. Je vaux bien plus que tous ces bâtards. La haine a aiguisé mon savoir. Sur à croire qu'il faut souffrir pour reprendre son souffle et un bon départ. Cette rue sans issue m'a laissé que des histoires à raconter. Le soir comme une sangsue me renvoie où les jours sont comptés. Maton et flicard pourront te raconter. Le soir les lascars et les boss se mettent à pleurer. Cette rue sans issue m'a laissé que des histoires à raconter. Le soir comme une sangsue me renvoie où les jours sont comptés. Je voudrais t'en raconter autre chose de la vie. Mais ici bas mes yeux n'ont vu que des gars qui ont mal fini. Aucun exemple pour te raconter la vie d'un des miens qui réussit. Au nom des miens je raconte ce qu'on vit. Notre enfer comme paradis. Des jets de pierre sur les képis et la petite maison d'arrêt dans la prairie. Ils bousillent la vie de mes frères pour aider les mineurs. Alors que ta pique du sursis, la justice me fait peur. On n'est pas à l'abri d'un fils de pute, de procureur ou d'un avocat pourri. 90% des gars incarcérés ne savent même pas pourquoi ils se font serrer, la serrer par une vie qui laisse des traces au poignet. Putain de sa race, on vit comme dans un poulailler. Des murs de béton au grillage coupé. On grandit tous avec un couple, une tenaille et du shit à couper. Ils attendent de nous voir nous découper. On est conditionnés pour se faire humilier. Rêver de millions et de milliers. Renaît la rue, ils sont déjà des milliers. Certaines dans leur cul dans des sentiers. Pour des milliers de centimes, ça se prostitue. D'autres se tuent en croyant que c'est la seule issue. J'ai pas la solution, sinon tu l'aurais su. Mais j'étudie le problème et la rue reste sans issue. Cette rue sans issue m'a laissé que des histoires à raconter. Le soir comme une sangsue me renvoie où les jours sont comptés. Maton et flicard pourront te raconter. Le soir les lascars et les boss se mettent à pleurer. Cette rue sans issue m'a laissé que des histoires à raconter. Le soir comme une sangsue me renvoie où les jours sont comptés. Cette rue sans issue m'a laissé que des histoires de merde. Et des années gratuites à perdre mon temps. Et me revoir raconter, j'aurais pas dû. Et je passe mon temps à regretter. Mais c'est trop tard, des murs de béton de ma cellule au mitard. J'ai sali ma famille, mes amis et ceux qui ont pu croire en moi. Une seule lueur dans le noir, ma voix. J'ai changé des données pour voir l'espoir, ma foi.